Jacques, et je gagerais bien que ces 3 ans s'écoulèrent comme un jour, et que le marquis des Arcis fut un des meilleurs maris, et eut une des meilleures femmes qu'il eut au monde. Le maître, je serai de moitié, mais en vérité, je ne sais pourquoi, car je n'ai pas été satisfait de cette fille pendant tout le cours des menées de la dame de la Pommerée et de sa mère. Pas un instant de crainte, pas le moindre signe d'incertitude, pas un remords. Je l'ai vue se prêter sans aucune répugnance à cette longue horreur. Tout ce qu'on voulut d'elle, elle n'a jamais hésité à le faire. Elle va à confesse, elle communie, elle joue la religion et ses ministres. Elle m'a semblé aussi fausse, aussi méprisable, aussi méchante que les 2 autres. Notre hôtesse, vous narrez assez bien, mais vous n'êtes pas encore profond dans l'art dramatique. Si vous vouliez que cette jeune fille intéressât, il fallait lui donner de la franchise et nous la montrer victime innocente et forcée de sa mère et de la Pommerée. Il fallait que les traitements les plus cruels l'entraînassent, malgré qu'elle a nu, à concourir à une suite de forfaits continus pendant une année. Il fallait préparer ainsi le raccommodement de cette femme avec son mari. Quand on introduit un personnage sur la scène, il faut que son rôle soit un. Or, je vous demanderai, notre charmante hôtesse, si la fille qui complote avec 2 scélérates est bien la femme suppliante que nous avons vue au pied de son mari. L'hôtesse, je vous dis la chose comme elle s'est passée, sans rien omettre, sans rien ajouter. Et qui sait ce qui s'est passé au fond du cœur de cette jeune fille, et si dans les moments où elle nous paraissait agir le plus lestement, elle n'était pas secrètement dévorée de chagrin. Jacques, notre hôtesse pour cette fois, il faut que ce soit de l'avis de mon maître, qui me le pardonnera, car cela m'arrive si rarement. Si mademoiselle du Quesnoy, si devant la dénon, avait été une honnête enfant, il y aurait paru. L'hôtesse, honnête enfant ou non, tant il y a que c'est une excellente femme, que son mari est avec elle, content comme un roi, et qu'il ne la troquerait pas contre une autre. Le maître, je l'en félicite, il a été plus heureux que sage. L'hôtesse, et moi, je vous souhaite une bonne nuit. Il est tard, il faut que je sois la dernière couchée, la première levée. Quel maudit métier! Bonsoir, messieurs, bonsoir. Je vous avais promis, je ne sais plus à propos de quoi, l'histoire de mariage saugrenu. Et je crois vous avoir tenu parole. Monsieur Jacques, je crois que vous n'aurez pas de peine à vous endormir, car vos yeux sont plus qu'à demi fermés. Bonsoir, monsieur Jacques. Le maître. Eh bien, notre hôtesse, il n'y a donc pas moyen de savoir vos aventures? Non. Jacques, vous avez un furieux goût pour les contes. Le maître. Il est vrai. Ils m'instruisent et m'amusent. Un bon conteur est un homme rare.